Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 20 octobre 2021, nous sommes bien sûr en direct, il est 14h01, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Stéphane Poinceau, enseignant, auteur et ancien pompier volontaire et ancien pompier, sapeur-pompier de Paris, qui est là pour nous parler de ses activités et du coup de tout ce qu'il fait. Donc bonjour Stéphane. Oui, bonjour Chris. Comment ça va ? Ben, ça va bien et vous ? Ça va bien, merci. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors, je suis professeur des écoles. J'ai une classe de CE1, CE2 à Contrexéville. En parallèle de ma mission d'enseignant, c'était avoir une autre mission de service public, puisque j'ai été sapeur-pompier volontaire pendant 27 ans. Au centre de secours de Vittel-Contrexéville, et puis avant cela j'étais chez les pompiers de Paris. Voilà, donc ça c'est une petite présentation semi-professionnelle et professionnelle, et puis j'ai un autre côté, c'est que j'écris des livres pour la jeunesse, pour les sapeurs-pompiers, dans le but de faire de la pédagogie et de la vulgarisation des comportements qui sauvent. Voilà un petit peu une petite présentation. Bien sûr, de toute façon nous allons parler de tout ça durant toute cette heure d'émission, donc jusqu'à 15h. Donc nous l'avons déjà annoncé en introduction, mais vous allez peut-être pouvoir développer un petit peu. Du coup, je vais vous demander votre parcours personnel pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. Donc du coup, vous l'avez dit, vous avez été pompier, sapeur-pompier de Paris et sapeur-pompier volontaire. Mais quel a été votre parcours, on va dire, scolaire ? Alors le parcours scolaire a été assez sinueux, puisque j'ai passé un bac technologique en biologie, un BTS en microbiologie à Nancy, et puis après mon BTS, je me suis retrouvé un petit peu par hasard dans l'enseignement, parce qu'ils recherchaient un professeur dans un lycée professionnel, donc j'ai postulé. Et donc je me suis retrouvé à enseigner dans un lycée professionnel en maths, physique, chimie. J'ai enseigné en même temps que mon père qui était dans ce lycée professionnel. Donc on s'est retrouvés tous les deux, père et fils, à enseigner. Suite à cela, je suis parti chez les pompiers de Paris, où je m'étais engagé tout se passait bien jusqu'au moment où, quand on est jeune, on ne voit pas toutes les facettes du métier. C'est que je me suis aperçu qu'il fallait habiter Paris si je voulais monter en grade. Et en fait, je n'avais pas forcément envie d'habiter Paris, je préférais la campagne vosgienne. Et donc, j'ai résilié mon contrat, j'en ai profité pour terminer mon service national. Et j'ai rejoint les pompiers volontaires dans la foulée. Donc j'en suis sur le fait que j'ai commencé par la microbiologie et j'ai terminé par l'enseignement, puisque en sortant des pompiers de Paris, j'ai passé le concours d'instituteur, parce qu'à l'époque c'était instituteur, et j'ai reçu le concours, j'ai été 2 ans à l'école normale d'instituteur d'Épinal, et j'ai donc eu mon premier poste dans les années 90. Voilà. D'accord. Donc du coup, pendant toute cette émission, nous allons surtout parler de votre facette, on va dire, auteur, donc qui écrit des livres, comme vous l'avez dit, pour les sapeurs-pompiers, pour la jeunesse, pour rappeler les différents gestes qui sauvent, en cas par exemple d'incendie domestique ou autre. Mais du coup, j'allais vous demander si votre métier d'auteur est-ce que vous mettez vos compétences et vos capacités d'ancien pompier en œuvre pour ce métier d'auteur? Mais du coup, oui, hein, voilà. Oui, bien sûr. Oui, que ce soit la pédagogie en tant qu'enseignant ou que ce soit mes connaissances en tant qu'ancien sapeur-pompier sont nécessaires pour l'écriture de la plupart des livres, même de mes albums jeunesse. J'y glisse toujours un côté pédagogique, j'y glisse toujours un côté éducationnel ou sapeur-pompier avec un... Donc oui, il y a un lien toujours entre mon ancienne carrière de sapeur-pompier et mon métier. Bien sûr. Tout à fait. Et donc, du coup, votre premier ouvrage, si je me suis bien renseigné, c'est un guide pédagogique qui s'intitule « Apprendre à porter secours », publié aux éditions Belin. Oui, c'est ça. Et donc, à qui s'adresse ce guide ? Alors, c'est une histoire qui est quand même qui est assez intéressante, puisque c'est ce qui m'a donné envie d'écrire. Donc en 2007, j'ai été contacté par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, avec qui je travaille encore. Cette Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France recherchait donc des enseignants qui étaient sapeurs-pompiers. D'accord. Et ils recherchaient cet enseignant sapeurs-pompiers qui faisaient dans leur classe des gestes qui sauvent. Les premiers, les gestes de secourisme, puisque les gestes de secourisme sont dans les instructions officielles depuis de très nombreuses années. Et donc moi j'avais commencé à le faire dans mes classes. Et j'ai été repéré par des personnels de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et donc en 2007, je me suis retrouvé donc à Paris, à la Maison des pompiers de France, où on nous a exposé le projet d'écrire un guide pédagogique avec les éditions Belin. Donc les éditions Belin sont des éditions qui ont vraiment qui sont des éditions de belle renommée dans le milieu pédagogique. Et donc avec d'autres sapeurs-pompiers volontaires et enseignants, on a écrit un guide pédagogique pour les enseignants de primaire et de maternelle qui s'appelle Apprendre à porter secours. C'est-à-dire que c'est un livre qui permet aux enseignants d'expliquer, d'apprendre les gestes qui sauvent à leurs élèves. Donc c'est un livre qui, clé en main, c'est une mallette avec plein d'affiches, plein d'images et surtout de la pédagogie pure avec des techniques pédagogiques pour apprendre les bons gestes aux enfants. Et c'est encore une mallette qui se vend assez bien par la société Belin, par la maison d'édition Belin. Et j'ai fait à cette époque-là, lorsque le guide pédagogique est sorti, j'ai fait beaucoup de conférences dans l'Est de la France où on me demandait de venir présenter le guide, mais on venait surtout me demander de présenter un dispositif qui est important dans les écoles. C'est ce qu'a rappelé le président de la République samedi dernier au Congrès national des sapeurs-pompiers de France. C'est que les élèves, même de primaire ou de maternelle, sont capables de se protéger et de protéger les autres. Donc ce guide pédagogique, c'est tout à fait ça, c'est ce qu'on appelle apprendre à porter secours. C'est un dispositif qui est obligatoire dans les écoles et qui permet aux enfants de savoir réagir face à un traumatisme ou une brûlure ou savoir alerter les secours. Donc ça, c'est mon premier ouvrage et c'est vraiment celui qui m'a donné envie d'écrire. D'accord. Voilà. Et donc, nous parlerons de vos autres ouvrages un peu plus tard dans cette émission, mais je crois savoir que vous n'avez pas publié de roman pour le moment. Non, je n'ai pas publié de roman. Non, c'est j'ai dans mes vieux papiers des idées de roman, mais je n'ai pas eu le temps encore de l'écrire. J'ai pas eu le temps, mais peut-être, ça viendra. Bien sûr, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et donc. Comme nous le disons depuis le début de cette émission, donc vous êtes certes ancien sapeur-pompier volontaire dans les Vosges, mais vous faisiez partie du coup auparavant des sapeurs-pompiers de Paris. Donc oui. Qu'est-ce qui vous a amené à la base à vouloir porter secours aux gens? Alors je crois que c'est quelque chose qui est très simple, c'est qu'un j'habitais à l'époque dans un petit village qui s'appelle Marais dans les Vosges, avec chez mes parents, et la tradition c'est qu'à la fête du village, les sapeurs-pompiers du village offraient l'apéritif, et ils offraient l'apéritif aux gens qui sortaient de l'église. Donc ça se faisait ça dans les années 90-80, et le chef des pompiers du village est venu me voir en me disant « Stéphane, t'habites dans notre village, tous les hommes du village sont pompiers, donc tu vas devenir pompier ». D'accord. Donc, mon père et moi, on s'est retrouvés pompiers alors qu'on n'avait pas du tout de connaissances, mais on était prêts à donner de notre temps, on était prêts à s'engager. Et puis au fur et à mesure des années qui se sont passées, je me suis intéressé, ça m'a plu et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Voilà, ça m'a permis de trouver ma voie. D'accord, et donc du coup, suite à ça, vous êtes resté pompier volontaire pendant près de 30 ans. Et du coup, combien de temps vous avez passé chez les pompiers de Paris ? Alors j'ai passé un an chez les pompiers de Paris, puisque mon contrat, j'avais compris qu'il fallait habiter Paris, puisque on m'avait proposé d'aller à l'avancement et de passer le concours d'officier. Et j'étais d'accord, sauf qu'il fallait, j'avais pas compris qu'il fallait habiter Paris. qu'elle habitait en caserne, et que la vie de caserne, la vie parisienne, est loin de notre vie paisible dans la campagne. En effet. Donc je suis resté simplement sapeur-pompier de Paris. Et j'ai après, je suis retourné pour faire des périodes de réserve où j'ai passé mon caporal, donc je suis monté un petit peu en grade. Mais je n'y suis resté qu'un an, et ça a été une expérience vraiment très enrichissante. Bien sûr, j'imagine. Et dans votre carrière, je crois savoir que vous avez déjà eu l'occasion de collaborer avec une grande société de production de films très connue, hein, Disney. Et oui. Avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, avec qui vous avez écrit un guide intitulé Le petit guide du soldat du feu. D'ailleurs, je crois savoir que ce guide a été réalisé à l'occasion d'un film de chez Disney. Oui, c'est ça, tout à fait. Suite au travail que j'avais réalisé avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Disney m'a contacté pour réaliser un petit ouvrage. Qui était offert aux enfants lors de la sortie nationale du film Planes 2. Donc Planes 2, c'est un peu comme Cars avec les voitures, mais là c'est avec des avions. Et ce film raconte l'histoire d'un petit canadair, d'un petit bombardier d'eau. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux pour mettre en place un petit livret de jeux, d'activités, et en même temps un petit livret pédagogique, puisque ça me permettait de montrer aux enfants les dangers de jeter un mégot dans la forêt, d'allumer un barbecue dans des zones qui sont des zones méditerranéennes chaudes. Donc j'ai travaillé avec eux, et le livret a été sorti à 250 000 exemplaires, donc ça a été vraiment une très belle réalisation pour moi. En effet, j'imagine que c'est très, très gratifiant également de se faire contacter du coup par Disney, comme bien sûr, c'est oui. Pas rien. Bien sûr, oui, c'était vraiment très intéressant de pouvoir travailler avec une société comme Disney, que je n'ai pas vu en direct, puisque je travaille toujours avec des intermédiaires. Mais il faut savoir que dans l'industrie du film, il existe des sociétés comme celle qui était sur Paris avec qui je travaillais, qui placent des marques à l'intérieur des films, et c'est avec eux que je travaillais. D'accord. Voilà. Donc il est 14h13. Avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer directement dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie, et que nous écoutions le chanteur britannique James Arthur avec une chanson que j'apprécie beaucoup également, Impossible. Donc pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, cette chanson est plutôt typée pop, elle est sortie en 2013, et donc c'est James Arthur le chanteur. Ce morceau est issu de l'album James Arthur, tout simplement de James Arthur justement, et il s'agit du premier album studio du chanteur. Mais nous pouvons également retrouver ce titre dans différentes compiles qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce titre a été nommé dans trois catégories: le Brit Award du meilleur single britannique en 2013, le World Music Award de la meilleure chanson en 2014, et le World Music Award du meilleur clip vidéo en 2014 également. Et James Arthur qui a d'ailleurs gagné en popularité suite à sa victoire à la 9e saison du télécrochet britannique The X Factor en 2012. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici 3 minutes, 3 minutes 30 à peu près. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Trust and broken heart. much. I know when thinking all you need is there. Building faith on love and words. Empty promises will wear. I know when now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct bien sûr, il est 14h18, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter James Arthur avec le titre Impossible et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Stéphane Poinceau, enseignant, auteur et ancien sapeur-pompier volontaire et sapeur-pompier de Paris, qui est là pour nous parler majoritairement de son activité d'auteur, qui écrit des ouvrages pour rappeler les gestes qui sauvent. Ça va toujours ? Oui, ça va toujours, oui, ça fait plaisir d'entendre cette musique. C'est vrai. Donc justement, nos auditrices et nos auditeurs sont habitués, je pose toujours cette même question après une pause musicale, pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau de James Arthur ? Je crois qu'elle dégage beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotion, voilà. Je crois que la voix lui apporte beaucoup d'émotions et me transmet aussi beaucoup d'énergie et d'émotions. D'accord. C'est vraiment une belle chanson. C'est vrai. Voilà. Donc nous allons reprendre du coup le cours de cette émission. Donc en 2015, vous avez réalisé un classeur intitulé « Visite de la caserne de la maternelle au lycée » publié aux éditions des Pompiers de France. Mais dans quel but du coup l'avez-vous réalisé ? Alors là, c'est donc un gros classeur qui ne s'adresse plus cette fois-ci aux enfants ou au public jeunesse. Il s'adresse aux sapeurs-pompiers de toute la France, qu'ils soient volontaires, professionnels, militaires. Ce classeur, c'est un classeur qui regroupe des activités permettant aux pompiers de faire visiter leur centre de secours de façon ludique et pédagogique. Quand j'étais en place à Vittel, c'est vrai que c'était souvent moi qui organisais les visites d'école, les visites de garderie. Et à un moment, je me suis dit, mais il faudrait que je mette ça sous forme d'un papier et que je mette ça sous forme d'un outil clé en main pour que le jour où je suis plus là, où je ne suis pas là, on puisse utiliser des ateliers, mettre en place des ateliers de façon simple et rapide. Et donc j'ai réfléchi à un outil, j'ai proposé cet outil aux éditions des sapeurs-pompiers de France et ils sont tombés d'accord avec moi sur l'utilité de ce produit. Et donc on a travaillé pendant un an sur ce classeur qui est très riche en couleurs et qui permet donc aux pompiers, lorsqu'ils accueillent un petit groupe de maternelle ou un groupe de lycéens, de choisir des ateliers pour pour leur faire visiter la caserne, pas seulement leur montrer comment on déroule un tuyau et comment ce qu'il y a à l'intérieur des camions. Moi, je vais beaucoup plus loin en leur parlant de pédagogie, en leur parlant des gestes qui sauvent, des accidents domestiques, en leur parlant de la vie des pompiers. Et je leur propose une 114 ateliers qui leur permettent de choisir, de se faire plaisir et d'accueillir les enfants pour que quand ils repartent, ils aient appris des choses et ils aient aussi beaucoup manipulé, beaucoup joué. Voilà, ça c'est le but de ce classeur qui marche bien dans les casernes de France, qui est bien noté dans les casernes de France. D'accord, donc à l'intérieur de ce classeur, c'est tous ces ateliers du coup qu'on retrouve pour les maternelles ou pour les lycéens. Tout à fait, oui, de la maternelle au lycée. J'ai eu la joie de découvrir que la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette avait utilisé mes fiches pédagogiques comme référence pour l'exposition Feu, une grosse exposition sur le feu qui avait eu lieu en 2018-2019. Et donc les morceaux de mon classeur font partie de la Cité des sciences pour cette exposition. Ce sont des fiches référentes pour les enseignants, pour les pédagogues qui vont faire visiter l'exposition aux enfants. D'accord. Bah justement, nous parlerons juste après du centre de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette juste après. Mais juste avant, du coup, à travers ce classeur, j'ai vu ça grâce au document que vous m'avez envoyé en amont de cette émission, vous souhaitez que les enfants soient acteurs de leur visite. Qu'est-ce que vous entendez par être acteur de notre visite ? Alors, être acteur de sa visite pour un enfant, c'est-à-dire que c'est pas simplement regarder un pompier qui sort un tuyau d'un camion ou qui montre un matériel sorti d'une ambulance. C'est être acteur, c'est-à-dire c'est jouer avec le matériel, c'est devenir, faire semblant d'être un pompier, manipuler pour jouer. Je prends un exemple. Chez les maternelles, j'ai mis en place un atelier où on a des petits nounours, des petites peluches d'animaux, et les enfants l'atelier doit s'appeler les animaux dangereux. Les enfants doivent, avec le matériel des pompiers, c'est-à-dire la pince à serpent ou le lasso pour attraper les chiens et les chats, ils doivent attraper les peluches avec le lasso et doivent les placer dans la cage. Pour faire comme le pompier qui va attraper un chat ou un animal sauvage. D'accord. Ça, c'est le genre d'activité. C'est aussi faire un petit parcours comme un pompier où il va avoir à faire des petites choses et puis à la fin il tient la lance et il va faire tomber une cible pour faire comme les pompiers. Ça va être aussi découvrir l'ambulance avec différents matériels que le pompier va mettre en œuvre et toujours ça bien sûr sous la direction des pompiers, sous l'autorité des pompiers et bien sûr il y a toujours les adultes qui sont là, les enfants ne sont pas laissés à eux-mêmes. Donc tout est bien expliqué dans le classeur pour que les pompiers soient rassurés et que les pompiers puissent mettre en action les enfants. Donc être acteur, c'est les faire bouger, les faire vivre la visite de la caserne, pas simplement être spectateur. D'accord, ok, je vois. Et donc un élément quand même important, justement, on en revient à ce que vous disiez un petit peu avant, c'est que ce classeur du coup est utilisé du coup pour la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Donc c'est un musée du côté de Paris, situé à l'adresse 30 avenue Corentin Cariou, donc 75-019 Paris, donc dans le 19e arrondissement du coup, comme document pédagogique pour une exposition du nom de Feu en 2018-2019. Donc justement, comment s'est passée la mise en place pour que ce classeur soit utilisé comme document pédagogique? Est-ce que c'est vous qui avez proposé votre classeur ou est-ce que ce sont eux qui sont venus vous chercher pour votre classeur? Alors en fait, c'est plutôt eux qui sont venus à la recherche de documents. Et alors, ça se passe dans le milieu de l'édition. Donc dans le milieu de l'édition, à partir du moment où on a signé notre cession de droit, c'est vrai que les éditeurs, la plupart du temps, peuvent mettre à disposition nos documents d'une certaine façon. Donc ça a été le cas. Et comme cette exposition Feu était en partenariat avec les pompiers de Paris, avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et d'autres partenaires, les éditions des sapeurs-pompiers de France ont donné l'autorisation pour utiliser ces fiches. Donc c'est vrai que moi j'ai pas été consulté, je l'ai appris après, mais Bon, j'en suis vraiment content, puisque c'est l'objectif, c'est que ces fiches-là, elles soient diffusées au maximum pour qu'elles aient elles aient une valeur pédagogique et elles transmettent des informations, des savoirs aux enfants. D'accord. Ensuite, on va continuer du coup la petite chronologie. Donc, en 2017, en appui de l'opération appelée Pompi, donc Pompi, c'est la peluche doudou présente dans les ambulances et les camions de pompiers, par exemple, pour consoler les enfants quand ils sont embarqués, enfin, quand ils sont emmenés plutôt, c'est mieux dit comme ça, quand ils sont emmenés dans le camion s'ils sont blessés ou autre. Vous avez du coup rédigé un livre intitulé Pompi le pompier, publié aux éditions des Pompiers de France à nouveau. Mais je crois savoir que ce livre a un concept assez original. Oui, tout à fait, oui. Alors, ce livre, c'est un livre où je souhaitais vraiment que les enfants apprennent les gestes qui sauvent, puisque en 2017, on avait eu, après les attentats, des attentats de 2015, au niveau de l'enseignement, de l'éducation nationale, et différents ministères, on nous demandait vraiment de remettre à jour les gestes qui sauvent à l'école, parce qu'il faut savoir que je suis aussi formateur académique, donc je forme les enseignants aux gestes qui sauvent, je leur fais passer des PSC1, donc les diplômes officiels, et donc à cette époque-là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un document pour les enfants, pour leur apprendre les gestes qui sauvent, et qu'ils aient vraiment un document, et je me suis dit, pourquoi pas leur faire colorier ou dessiner. Ça serait un livre de coloriage, puisqu'à l'époque, en 2017, on était beaucoup axé sur le coloriage dans l'édition. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un livre de coloriage où l'enfant, en lisant et en coloriant, il apprend les gestes qui sauvent, les comportements qui sauvent. Et j'ai eu l'autorisation d'utiliser le personnage Pompi. Pompi est donc la petite peluche qui se trouve dans les ambulances des Vosges. Et le Meurthe-et-Moselle et des départements environnants, et voire presque dans toute la France. Et lorsqu'un enfant est transporté par les pompiers, on lui donne cette peluche qu'il garde avec lui, hein, c'est un cadeau. Et cette peluche Pompi, mon illustrateur, parce que quand je dis mon illustrateur, c'est parce qu'on aime bien travailler ensemble, Thierry Dessailly l'a transformé en un personnage bien sympathique. Et donc Pompi, le pompier, apprend grâce à des petites scénettes aux enfants les gestes qui sauvent. Donc le livre s'articule autour de différentes pages et de différents thèmes. Et les enfants ont une petite action de coloriage, une petite action de dessin pour s'approprier le geste. Par exemple, lorsque ça concerne la brûlure, l'enfant doit colorier l'eau qui coule du robinet en bleu. Et il a aussi une petite phrase en rime à apprendre, à jouer avec. Et puis ça reste aussi un livre de coloriage, de jeux, d'activités que Thierry et moi avons mis en place. Donc ça, c'est un livre qui marche très très bien. C'est un livre qui plaît vraiment aux enfants et aux parents. Et c'est un livre que j'aimerais vraiment pouvoir faire perdurer dans le temps. C'est vrai, parce que ça peut être très, comme vous le dites, ça peut être très utile, parce que malheureusement, il y aura toujours des enfants blessés, etc. Donc c'est vrai que ça peut être très, c'est vrai que c'est très utile, du coup, pour ces enfants, pour, comme vous le dites, pour qu'ils apprennent les gestes qui sauvent, et surtout avec la petite peluche en cadeau à la fin. S'ils sont transportés, du coup, à l'hôpital, c'est quelque chose de plutôt bien, je trouve. Tout à fait, oui, tout à fait. Ensuite, avec la team Pompi, vous avez distribué ces différents coloriages lors du Rallye Red Dakar 2019 au Pérou. Donc, c'est encore une autre aventure qui est arrivée en 2019. Et ce qui est super, c'est que j'ai pu donc suivre le Dakar en direct avec ma classe, parce qu'à l'époque, ça se passait sur la période scolaire. Donc, j'ai pu suivre le Rallye Red Dakar au Pérou avec ma classe. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, un des concurrents du Rallye Red Dakar, qui se passe non plus entre Paris et Dakar, mais au Pérou, ce concurrent qui s'appelle Stéphane Bouvier. Donc Stéphane Bouvier est pompier et dans les environs de Dijon. Et lui, c'est un fervent défenseur de Pompi, et c'est vraiment quelqu'un qui fait fonctionner Pompi au maximum dans son département. Et c'est aussi surtout un sportif, puisqu'il fait du motocross à haut niveau. Donc il a embarqué donc Pompi. Il en a fait une équipe Pompi au Pérou. Et bah, on s'est rencontrés parce que bah, on parlait de la même personne, c'est-à-dire de Pompi, et il a donc mis à disposition des coloriages sur le rallye Red Dakar. Il les a distribués aux concurrents et puis bien sûr aux visiteurs enfants. Voilà, Pompi, mon livre de coloriage, les illustrations de Thierry de Sailly se sont retrouvées sur le rallye Red Dakar en 2019. Et je crois que j'ai cru comprendre que Stéphane Bouvier était en train de préparer le rallye Red Dakar de 2022. Donc ça se renouvellera aussi. D'accord. Donc il va être 14h31. Avant de poursuivre cette émission et de parler encore plus de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutions cette fois-ci la célèbre chanson Shout du groupe de pop-rock Tears for Fears. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, cette chanson est plutôt typée New Wave Synth Pop. Elle est sortie en 1984 et elle est tirée du deuxième album studio de Tears for Fears, album intitulé Songs from the Big Chair, album sorti le lundi 25 février 1985. Cet album a d'ailleurs été un énorme succès planétaire grâce notamment à deux morceaux présents dans l'album, donc Everybody Wants to Rule the World et Shout, que nous allons écouter tout de suite. Donc on écoute ce titre et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 6 minutes quand même. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. We'll be right back. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct. Il va être 14h38. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio. Et aussi, vous êtes habitué sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous venez d'écouter Shout de Tears for Fear. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Stéphane Poinceau, enseignant, auteur, formateur et ancien sapeur-pompier volontaire et ancien sapeur-pompier de Paris, qui est là pour nous parler majoritairement de son activité d'auteur, qui écrit des ouvrages pour rappeler les gestes qui sauvent. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Stéphane ? Ben écoutez, oui, très bien, oui. Le temps passe vite, hein, je vois l'heure défiler et je me dis, oh là, bah, ça vient bientôt être fini alors qu'il y a encore plein de choses à dire. En effet, c'est vrai. Donc, même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi avoir voulu écouter ce morceau de Tears for Fears ? Alors, Tears for Fears, c'est un groupe mythique pour moi parce que je les ai toujours écoutés depuis longtemps. Et puis, ça me rappelle surtout une période où j'étais, comme on dit, à la brigade, donc chez les pompiers de Paris. Pour y rentrer, c'était une formation qui était assez compliquée, alors physiquement, qui est difficile, mais même au niveau du travail, au niveau des connaissances, puisqu'il faut apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et à l'époque, j'avais mon Walkman, donc le lecteur à cassette, sur les oreilles, et j'écoutais en boucle cette cassette de Tears for Fears. Donc voilà, ça me rappelle des moments où j'avais besoin de m'isoler pour apprendre mes cours de pompier, mes cours de secourisme, et voilà, c'est toujours un petit souvenir de cette musique-là. D'accord, un petit hommage du coup quand vous étiez à la brigade. Tout à fait. Donc, on va reprendre du coup le cours de cette émission. Nous pouvons également dire que vous n'écrivez pas que des ouvrages à vocation du rappel du coup des gestes qui sauvent. Vous écrivez également des albums jeunesse. Je pense notamment à l'ouvrage « Les pompiers ont sauvé Noël ». C'est un conte humoristique, mais est-ce qu'il y a tout de même dans cet album jeunesse cette volonté de rappeler du coup les gestes qui sauvent ? Alors oui, j'ai voulu changer un moment, c'était en 2018, je me suis dit je vais faire un petit peu autre chose que du pédagogique et je vais essayer de faire de l'humoristique. Donc je me suis mis à écrire des textes humoristiques toujours en lien avec les pompiers et un jour j'ai eu l'idée d'écrire parce que je m'étais aperçu que les enfants de ma classe ne connaissaient pas les contes traditionnels, donc je me suis dit je vais détourner les contes traditionnels pour faire des albums jeunesse. Donc le premier que j'ai fait, c'est Les pompiers ont sauvé Noël, donc c'est un petit conte de Noël où j'explique que les pompiers vont aider le Père Noël à faire la distribution des cadeaux puisqu'il a disparu. Heureusement, les pompiers vont sauver Noël. Heureusement, les pompiers vont pouvoir sauver Noël, la fête de Noël, et les pompiers vont pouvoir assurer la distribution des cadeaux. Alors, j'y glisse plusieurs fois le numéro 112, qui est le numéro d'appel d'urgence. Donc, c'est une façon aussi d'avoir un petit côté pédagogique. Voilà. D'accord. Oui, bien sûr. Donc, les numéros d'appel d'urgence, on peut peut-être rappeler, ça fait jamais de mal. Donc, le 15, c'est le SAMU. Le 17, c'est la police. Donc, le 18, les pompiers. Et du coup, le 112, le numéro d'appel d'urgence. Tout à fait. Et cet album a été encore illustré par Thierry de Sailly, qui avait fait Pompi. Et j'ai trouvé un éditeur qui s'appelle Greart Édition, qui est vraiment qui me suit. Et on a décidé de faire une collection des pompiers ont sauvé. D'accord. Là, il y aura un deuxième livre qui va arriver. Bon, je pense qu'on en parlera un petit peu après. Bien sûr. Et ensuite, concernant donc la suite de la chronologie, en 2020, vous avez écrit un autre ouvrage, ou devrais-je dire un livret d'activité intitulé « Mon livre d'activité de pompier », paru aux éditions Carlo Zaglia Jeunesse. Donc, qu'est-ce que les familles peuvent retrouver dans ce petit livret ? Alors, ce petit livret, il est issu d'une rencontre que j'ai faite avec Carlo Zaglia et sa femme Julie Zaglia au congrès de Bourg-en-Bresse, au congrès national des sapeurs-pompiers de France à Bourg-en-Bresse. Et donc, on s'est contacté et ils avaient en projet un grand livre d'activité pour les petits cette fois-ci, au niveau maternel. Donc, faire des coloriages, des découpages, faire des activités d'écriture, faire des activités qui plaisent aux enfants et qui ont un côté pédagogique où j'apprends à avoir le bon comportement lorsqu'il y a un incendie chez moi. J'apprends à bien choisir mon outil quand je vais appeler les pompiers, savoir ce que c'est qu'un détecteur de fumée. Donc c'est qui est axé avec 5 histoires, et chaque histoire, après, a des activités qui y sont liées. Toujours dans le côté pédagogique, ludique, et vraiment axé pour les petits-enfants. D'accord. Ensuite, pour cette fin d'année, donc 2021, je crois savoir qu'un nouvel album jeunesse est en prévision. Donc, est-ce que c'était de cet album-là que vous vouliez parler il y a quelques minutes ? Oui, c'est ça, oui. En fait, on a décidé avec l'éditeur Georges Grard de Greart Édition de mettre en place une collection qui est conservée. Et donc, celui qui vient d'arriver, donc il est arrivé cette semaine chez l'éditeur, c'est Les Pompiers ont sauvé le Petit Chaperon Rouge. Qui raconte une histoire de pompier, toujours avec le numéro de secours qui va être bien placé plusieurs fois. Et là, donc les pompiers vont pouvoir sauver le Petit Chaperon Rouge. Et dans ces histoires, je raconte aussi toujours, il y a un côté qui explique pourquoi, par exemple, les pompiers, la couleur de pompier, le camion de pompier est rouge, etc. Donc il y a un côté moustique, mais il y a aussi un côté qui explique des choses aux enfants. D'accord. Ensuite, si un organisme, par exemple, un quelconque organisme vous propose de travailler avec vous en écrivant un autre ouvrage, est-ce que, par exemple, vous seriez ouvert à une collaboration avec, du coup, les organismes en question ? Oui, bien sûr, parce que je suis enseignant, et donc mes activités à côté, l'activité de loisir, me permettent de pouvoir écrire avec qui je veux sur différents supports. Donc, oui, moi, je suis ouvert à Je suis même en recherche toujours de maisons d'édition, d'organismes qui sont prêts à travailler avec moi pour faire des activités ludiques, éducatives, toujours sur le thème des comportements qui sauvent. D'accord. Et justement, en parlant de collaboration, outre la collaboration que vous avez fait avec Disney, est-ce que vous en avez fait d'autres jusqu'à présent ? La plus grande collaboration, ça a été Disney, et je collabore essentiellement avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Essentiellement. J'ai des contacts avec différents organismes. J'ai eu des contacts avec la Croix-Rouge, j'ai eu des contacts avec les policiers du RAID, etc. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. D'accord. Et du coup, peut-être que nos auditrices et auditeurs se posent cette question dans vos différents guides concernant les gestes qui sauvent. Est-ce que vous n'avez pas peur de peut-être vous répéter, ou est-ce que chaque ouvrage aborde quelque chose différent, bien que toujours en lien avec les gestes qui sauvent ? Alors, je pense que il faut faire attention de pas toujours faire la même chose, dire la même chose, mais en fait, j'essaie de les dire de différentes façons, avec différentes entrées. D'accord. Il y a les activités pour les petits, il y a eu le côté humoristique avec les pompiers ont sauvé, il y a le côté institutionnel avec le classeur, pompiers c'est du coloriage, donc j'essaie à chaque fois de faire quelque chose qui va être vraiment différent, mais qui va parler du même thème, puisque c'est pas un thème qui est anodin. On parle des accidents de la vie courante, des accidents, des gestes, des comportements qui sauvent en cas d'attentat, en cas d'accident, en cas de problèmes de sécurité. Donc ces problèmes-là, il faut que les enfants les voient régulièrement pour pouvoir les retenir. D'accord. Donc il est 14h46, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, ça a passé très rapidement. Mais avant de nous quitter, je vous propose de nous lancer directement dans une troisième et dernière fréquence musicale que vous avez choisie encore, et que nous écoutions le groupe The Police avec leur titre Every Breath You Take. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, cette chanson est plutôt typée rock, elle est sortie en 1983. C'est un titre écrit par le chanteur Sting, dont il est le chanteur lui-même. Cette chanson est tirée de l'album intitulé Synchronicity de The Police, album sorti le vendredi 17 juin 1983. Il s'agit d'ailleurs du 5e et dernier album du groupe. Donc on écoute cette chanson et on se retrouve juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous venez d'écouter The Police avec leur titre, Everybody Breath You Take sur Radio Guémozo. Voilà, c'est mieux si je coupe du coup l'audio. Donc vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers. Il est 14h51 et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Stéphane Poinceau, enseignant, auteur, ancien sapeur-pompier volontaire et ancien sapeur-pompier de Paris, qui est là pour nous parler majoritairement de son activité d'auteur, qui écrit des ouvrages pour rappeler les gestes qui sauvent. Tout est toujours beau pour vous ? Oui, c'est très bien. Oui, la musique était très agréable. C'est vrai. Donc, même question que pour les deux précédentes fréquences musicales. Vous êtes habitué désormais. Pourquoi avoir choisi d'écouter cette musique de The Police ? Alors, Police, ben, c'est pareil. C'est un groupe qui a bercé mon enfance. J'ai dû avoir acheté tous les albums qui existaient. Donc, voilà, c'est un groupe qui m'a procuré des bons moments. Donc, j'aime bien la réécouter. Et puis, c'est vrai que les titres s'enchaînent et celui-là fait partie de mes préférés. Voilà. Mais c'est vrai que ça bouge bien. Ça va être bonne humeur. Comme, tout à fait. Comme d'ailleurs les deux précédents, enfin, pendant les trois pauses musicales que nous avons écoutées aujourd'hui, elles mettaient toutes les trois de bonne humeur, je trouvais. Donc, du coup, oui, comme annoncé dans cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Il va être 14h53. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé, bien que j'imagine qu'il y aura encore plein de choses à dire? Bien sûr. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire. La première des choses, c'est que il est important pour les gens qui nous écoutent de se dire que il faut se former aux gestes qui sauvent, aux comportements qui sauvent. Donc, c'est pas forcément difficile, c'est pas forcément compliqué. Il existe des formations qu'on appelle le PSC1. Qui sont dispensés par les pompiers. Alors, si je parle des Vosges, hein, c'est les pompiers dans les Vosges, le sapeur-pompier, la Croix-Rouge, la protection civile, d'autres associations. Et ça permet justement à tout le monde de pouvoir faire un petit geste. Comme on le dit en secourisme, mieux vaut mal faire un geste que pas le faire du tout. Bien sûr. Et ce qui est vraiment important, c'est que les auditeurs doivent comprendre qu'il faut... Ce qui est important, c'est d'appeler, c'est d'alerter les secours, c'est de déclencher la chaîne de secours. Même si on essaye, si on n'ose pas, si on ne sait pas comment faire, c'est pas grave, on est guidé, on est aidé. Donc ça, c'est vraiment la chose que les gens doivent retenir, c'est essayer de faire un petit effort de formation. On apprend plein de choses, c'est pas très compliqué. Même les personnes en situation de handicap peuvent le faire, puisqu'on a des nouvelles techniques pédagogiques qui le permettent. Donc c'est ouvert à tout le monde, sans problème. D'accord. Voilà. Ça, c'était un des premiers messages. Et puis, l'autre message que je voulais faire aussi, c'est que, sur mon avenir, on va dire, de loisirs d'auteur, c'est que, je suis content de pouvoir travailler avec une nouvelle société, puisque j'ai l'occasion de créer un dessin animé, donc une série animée pour la télévision. Donc, je suis en pleine construction de cette série animée qui passera à la télévision dans quelques années, puisqu'il y a quand même deux ou trois années de production pour pouvoir sortir 52 épisodes. D'accord. Donc ça sera un dessin animé, toujours axé sur des pompiers, et il y aura toujours un côté pédagogique, et il y aura aussi un gros côté humoristique. D'accord, il faudra rester du coup à l'affût de tout ça. Donc, oui, tout à fait. Si nous voulons vous suivre et suivre du coup votre actualité d'auteur, etc., comment pouvons-nous faire ? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Stéphane Poinceau, que j'alimente régulièrement. On peut aussi me trouver dans des dédicaces, dans des salons du livre, dans des salons où on m'invite. Là, j'étais récemment à un salon des vieux papiers à Bugnéville. Donc, on peut se retrouver là pour la vente des livres ou me contacter via Facebook pour commander des livres ou pour échanger sur des projets, pour échanger sur des idées ou sur des questions que les gens se posent. Bien sûr, donc oui, si les auditrices ou auditeurs se posent des questions, par exemple sur les premiers secours ou par exemple s'ils veulent devenir eux aussi pompiers volontaires ou pompiers professionnels, ils peuvent directement s'adresser à vous. Bien sûr, ils peuvent s'adresser à moi. Après, moi, je leur conseille, s'ils ont envie de venir sapeur-pompier volontaire, c'est pareil, on a toujours l'image du sapeur-pompier volontaire qui est forcément un super-héros. Non, les sapeurs-pompiers volontaires sont des gens, monsieur et madame tout le monde. La formation est certes assez pointue, mais elle peut être accessible à tout le monde et on peut se révéler, être bon dans certains domaines alors qu'on ne pensait pas. Et c'est ce que recherche le sapeur-pompier. Il recherche des gens qui ont envie de s'engager pour les autres, pas forcément des super-héros. Et c'est ce qu'on retrouve dans les camions de pompiers français. C'est des gens qui ont une valeur de l'engagement et qui sont capables de porter secours et d'aider les autres. Donc il ne faut pas qu'ils n'hésitent pas à contacter la caserne de leur ville, de leur village, et on leur donnera tous les renseignements. Bien sûr, et surtout, important de noter, quand on est sapeur-pompier volontaire, on peut être appelé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Du coup, il faut savoir aussi ça. Alors justement, ça c'est le contact qu'ils auront avec le chef de centre de leur caserne, donc le chef des pompiers, qui va leur expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est un engagement qui n'est pas à la légère, puisque on peut être dérangé n'importe quand. Il y a un système de garde qui est quand même organisé. On n'est pas tout le temps d'astreinte. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est des moments où on sait qu'on s'engage, donc on doit être présent. On doit être présent, on doit répondre présent et on doit être prêt. Bien sûr. Mais les sapeurs-pompiers, en général, les sapeurs-pompiers des Vosges surtout, donnent les moyens pour s'engager, donnent le matériel pour pouvoir aller au bout de son engagement. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Pour la suite, ça va être un troisième album, Les pompiers ont sauvé. Alors là, je cherche parce que j'ai plusieurs pistes. D'accord. Donc peut-être un conte traditionnel comme Cendrillon, Blanche-Neige et les Sept Nains, ou alors La Planète, la Terre, je ne sais pas. Et puis, c'est surtout, je vais avoir besoin de beaucoup d'imagination pour écrire la série qui sortira dans quelques années. Quand je dis quelques années, c'est qu'il y a un temps de travail qui est assez important. Bien sûr. C'est un dessin animé, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis pourquoi pas, suite à cette émission, avoir des contacts avec des personnes qui seraient intéressées pour mettre en place des projets. Bien sûr, de toute façon, je mettrai tous les liens utiles pour vous retrouver en podcast de cette émission demain dans la journée. Comme ça, ils auront juste à cliquer sur les liens pour vous retrouver facilement, du coup. C'est parfait. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Eh bien écoutez, le dernier mot, c'est que j'étais vraiment content de passer une heure avec vous et puis avec les auditeurs. J'espère que c'était le cas aussi, c'était réciproque. Tout à fait. Et puis, comme je le disais, n'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à vous engager auprès des pompiers, des sapeurs-pompiers, des associations de secouristes. Engagez-vous, on a besoin de vous. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc, du coup, là, c'est à mon tour de vous remercier, Stéphane, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Bien sûr. Cette émission sera diffusée demain, jeudi, à 18h, avec le podcast de cette émission, posté sur notre page Facebook, demain, dans la journée, avec tous les liens utiles, comme je le disais il y a quelques secondes. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail, pourquoi pas, si vous voulez récupérer l'émission. Oui. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec la rediffusion d'un autre programme proposé par Radio Guémozo intitulé Les Oreilles du Monde d'ici quelques secondes à 15h. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, jeudi, à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai par téléphone Alone and Me, chanteuse et coach vocale, qui sera là pour nous parler de sa carrière et de tout ce qu'elle fait. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo et du coup, je vous laisse avec Les Oreilles du Monde tout de suite. Donc voilà, merci encore et du coup à bientôt pour d'autres aventures.